That's the sound of the police. On a entendu un grand boom. Enfin, tout a pété. La police, c'est la merde. L'armée, c'est la merde. La justice, messieurs les jurés, c'est de la merde. La religion, c'est de la merde. La patrie, c'est de la merde. Le capital, c'est de la merde. Et à moi, toujours de la merde. Et tiens. Bonjour, bienvenue à tous et à toutes dans le magazine Libertaire sur Jet FM. Ici, on cause de l'actualité des luttes de la France et du monde qui pue, et on essaie de donner la parole à ceux qu'on n'entend pas ou peu dans d'autres médias. Tous les mercredis de midi 5 à 13h30 en direct sur Jet FM 91.2 à Nantes ou autour de Nantes et sur jetfm.fr. Vous pouvez nous contacter en direct dans le studio 02 28 25 23 88 et à maglib@riseup.net. Vous pouvez aussi retrouver nos podcasts sur maglib.noblogs.org, mais aussi sur le site de Jet FM. Alors aujourd'hui, nous sommes le 12 février 2020. Donc nous allons commencer par parler du projet Adama et nous allons écouter un son qui les paroles d'une personne qui s'appelle Aya Sissoko. Nous allons ensuite revenir sur quelques années en arrière en parlant de mais qui concerne aussi toujours l'actualité, qui concerne la précarité. Nous allons relire un texte qui avait été écrit par un collectif de chômeurs et précaires qui s'intitule « L'humanité qui convient » et qui a fait suite au décès d'un homme qui s'était immolé devant Pôle emploi à Nantes. Donc c'était le 13 février 2013. Et nous allons terminer par un son, un enregistrement qui a été fait autour d'un livre qui s'appelle Les Prolos et qui a été réalisé en 2016 à la Maison des Hommes et des Techniques. Et c'est une conférence de Marine Tesson qui est étudiante en sociologie. Mais nous terminerons par les annonces. Si on a le temps. Du coup, on va commencer par parler du projet Adama. Donc, le projet Adama, en fait, c'est un projet de podcast. Et ce projet, en fait, il propose chaque mois une rencontre avec des personnes noires rassemblées autour du combat pour Adama Traoré. Et donc, je le rappelle, Adama Traoré, c'est quelqu'un qui a été tué par la police lors de son interpellation à Beaumont-sur-Oise. Et donc, le premier épisode de ces podcasts, il est consacré à Aya Sissoko, qui est triple championne du monde de boxe, écrivaine et comédienne. Et voilà, on va vous laisser écouter, ça dure une vingtaine de minutes. Vous pouvez retrouver les podcasts du projet Adama sur SoundCloud, sur le SoundCloud de projet Adama. On mettra les références sur notre site et sur le site de Jet FM. Bienvenue dans Projet Adama, un podcast qui s'intéresse aux personnes rassemblées autour du combat pour Adama Traoré décédé le 19 juillet 2016 dans la gendarmerie de Persan. Les personnes que vous allez entendre sont noires et elles évoquent leur rapport avec ce combat en questionnant la justice, les institutions comme la police, l'expérience des personnes racisées dans l'espace public ou encore notre place à nous qui sommes blancs. Pour nous engager dans ce combat, nous avons décidé de ne pas prendre la parole et d'écouter ces discours qui ne sont pas assez relayés. Je m'appelle Elisa Da Silva. Et moi, Arthur Vaché. Aujourd'hui, nous allons entendre Aya Sissoko. Donc je m'appelle Aya Sissoko, j'ai 41 ans. Je suis une ancienne sportive de haut niveau. J'ai été 3 fois championne du monde de boxe, 2 fois en boxe française, 1 fois en boxe anglaise. Je suis également auteure et comédienne. Alors de toute façon, il est important de prendre la parole sur l'affaire Adama Traoré parce que finalement, c'est une affaire qui nous concerne tous et toutes, qui me concerne moi aussi parce que je suis noire, que mes neveux le sont. Et puis ça fait aussi écho à mon passé parce que j'ai eu affaire à cette justice aveugle, sourde, suite à la mort de mon père et de ma petite sœur dans un incendie criminel où on a essayé de faire taire ma mère, qui était en quête de justice et de vérité, en lui rétorquant que elle n'avait pas de papier, donc elle n'avait pas le droit à la justice, qui était totalement faux. Donc s'il n'y avait pas justement cet acharnement de sa part, on n'aurait jamais obtenu justice. Et tout comme à ça, le système judiciaire tente de nous décourager en faisant traîner l'affaire, en demandant des expertises, des contre-expertises. Donc il y a des moments où on obtient, où il y a une lueur parce qu'on obtient une victoire, mais celle-ci est tout de suite annulée par un appel où la décision est, on revient sur la décision. Donc au fait, on ne peut pas rester insensible à l'affaire Adama Traoré parce que c'est, il ne faut pas oublier que c'est un jeune homme qui est mort et que ce jeune homme, c'est des comme lui, il y en a beaucoup. Avec Hassan, on s'est retrouvés lors d'une manifestation qui avait eu lieu à Val-de-Fontenay. Et Hassan est venu me voir en me disant « Écoute, j'aimerais organiser une après-midi d'initiation boxe à Beaumont. Est-ce que ça t'intéresserait d'y participer ?» Alors j'ai tout de suite dit oui. Enfin, pour moi, il me semblait évident, effectivement, avec les compétences qui sont les miennes, d'apporter ma pierre justement à l'édifice, enfin à cette recherche de vérité. L'organisation s'est faite très simplement, c'est-à-dire que j'ai juste demandé aux boxeurs de la salle de m'accompagner, et donc on est allé un samedi en début d'après-midi à Beaumont. Où on a donné ce cours d'initiation boxe. Alors l'ambiance était familiale, festive. En fait, on savait pourquoi on était là. On était là pour Adama, on était là pour Assa, pour donner un cours d'éducation populaire. On était là pour, malgré la gravité de la situation, d'apporter un petit moment aussi ludique de transmission. Bien évidemment, l'institution, une fois de plus, a essayé de gâcher le moment puisqu'on a dû faire face à des gendarmes, à des militaires armés. Je vous avoue que j'ai été très surprise. Je ne m'y attendais absolument pas parce que ce moment ne s'y prêtait absolument pas. Les gens étaient juste là pour passer du temps ensemble, pour se rappeler aussi la mémoire d'Adama, parce que ce genre de manifestation aussi permet de faire vivre Adama, parce que ce sont aussi les vivants qui sont en charge de maintenir justement les morts parmi nous. Et donc oui, donc les gendarmes, des militaires armés, voilà, qui faisaient leur ronde en 4x4. Et d'ailleurs, c'est là au fait aussi où est le côté risible de l'histoire, c'est-à-dire que 2 ans après, alors que cette manifestation était encadrée, on porte plainte contre ça pour détérioration. Et on se dit, mais s'il y avait eu détérioration, pourquoi les militaires, pourquoi les gendarmes ne sont pas intervenus à ce moment-là? Il y a des photos qui montrent qu'ils étaient présents, qui prouvent effectivement que cet après-midi s'est passé de manière totalement, parfaitement pacifique. On n'aurait pas emmené nos enfants si on pensait qu'il y aurait eu un quelconque débordement. Pour moi, enfin, il est évident de participer à ce cours d'éducation populaire, à ce cours d'initiation à la boxe auprès des jeunes et moins jeunes, parce que c'est un sport que j'ai commencé à l'âge de 7 ans. Très, très jeune, j'étais très, très, très en colère parce que j'avais eu à faire face à l'injustice très, très tôt. Et je me suis rendu compte, effectivement, que nous étions pas tous égaux face à la loi, que nous ne subissions pas le même traitement selon qu'on soit noir, selon qu'on soit pauvre ou riche. Et c'est vrai que la boxe a été un formidable outil pour moi, enfin, pour extérioriser tout ça. Et en plus, ce qui est formidable avec la boxe, c'est-à-dire que vous êtes face à un adversaire, vous combattez, et finalement, c'est le plus fort qui gagne. Tout le contraire, justement, de ce monde. Et d'ailleurs, on peut le voir avec l'affaire Adama, c'est-à-dire que les victimes deviennent les coupables. Et la boxe, au fait, c'est tout sauf ça. Et c'est pour ça que quand on me dit que la boxe est un sport violent, j'ai l'habitude de dire que la vie est beaucoup plus violente que la boxe. Mais donc oui, c'est vrai que dans un premier temps, enfin, mon corps a été justement mon outil de lutte, mais surtout contre moi-même. Voilà, est survenue cette blessure qui a mis un terme à ma carrière. Donc il a fallu justement extérioriser, enfin, cette colère autrement, et ça a été l'écriture. L'écriture, pour raconter l'injustice, l'écriture pour raconter le racisme, l'écriture pour raconter le quotidien dans un quartier populaire, raconter la difficulté pour s'en sortir. Les livres aussi pour raconter la construction de l'identité. Qu'est-ce qu'elle est complexe quand on est issu d'une double culture, d'une culture justement qui reconnaît pas nos parents comme étant des individus à part entière justement de cette communauté de destin qui est celle de la France, qui ne reconnaît pas leur culture, qui reconnaît pas leur identité, enfin qui est considérée comme illégitime. Donc c'était aussi, oui, leur rendre hommage, leur rendre une légitimité, leur rendre de l'épaisseur. Il était important de faire de nos parents des héros et des héroïnes. Quel plaisir, d'aller dans les établissements scolaires, d'échanger avec les enfants, de voir qu'ils ont les yeux qui brillent, parce qu'on leur avait jamais offert justement cette grille de lecture, parce que voilà, nos parents n'existent pas dans les livres d'histoire, ou alors ils sont dominés, ils sont ceux qui ont été défaits, ils sont ceux qui ont été colonisés, ils sont ceux qui viennent voler le pain des Français de chouche, ils sont les criminels. Et là, juste, voilà, modifier le curseur et dire, mais vous savez, on va faire un parallèle. Je suppose, parce que la plupart, enfin, les classes dans lesquelles j'interviens, la plupart sont des troisièmes. Vous avez étudié les mythes grecs. Qui sont les héros? Ce sont celles et ceux qui ont fait le voyage, qui ont affronté des défis et qui ont surmonté tout ça. Mais mettez vos parents à leur place. Vos parents, c'est ceux qui ont fait l'aventure, qui ont bravé les dangers, qui ont traversé plusieurs pays pour pouvoir arriver jusqu'en France. Donc finalement, qui sont les héros? Vos parents, ce sont les héros d'aujourd'hui, enfin, ce sont les héros grecs. De toute façon, c'est un sujet qui est vraiment très constant, enfin, dans les écrits qui sont les miens, c'est la construction de l'identité. Beaucoup de nos parents sont pris justement dans le quotidien, c'est-à-dire pouvoir payer le loyer, pouvoir remplir le frigo, donc ne prennent pas le temps de se raconter. Et la société dans laquelle on vit, gomme aussi ses parents. C'est-à-dire que finalement, on ne sait plus trop qui l'on est. Et donc, parfois, l'enfant, en fait, a besoin justement de se construire une filiation. C'est-à-dire que, me concernant, je chopais des bribes de conversation. Et donc, j'avais construit une espèce de puzzle. Mais en tout cas, enfin, cet exercice, finalement, me permettait finalement de garder la tête haute, justement, de me dire mais ma filiation est riche, ma filiation est digne, et que si je m'y intéresse, finalement, il y a énormément d'éléments qui me permettent d'être fière de celle que je suis. Et donc finalement, de reconstruire une estime de soi, de nourrir un narcissisme qui est nécessaire justement pour la construction de nos enfants. Moi, dès maintenant, je suis très fière de dire à ma fille qui elle est. Que son arrière-grand-mère était paysanne, qu'elle vivait dans un petit village du Mali, que sa grand-mère a suivi mon père en France, et que celle-ci, enfin, toute sa vie, s'est battue. Voilà, elle faisait des petits métiers, elle faisait femme de ménage, mais grâce au travail qui a été le sien, ses enfants n'ont jamais manqué de rien. Et ce qui est d'autant plus extraordinaire, c'est qu'en une génération, c'est-à-dire que ma mère arrive en France au milieu des années 70, en une génération, une génération seulement. C'est important justement aussi de rappeler ça. En une génération, ma mère a réussi à mettre au monde des enfants qui ont fait des études supérieures, des enfants qui sont devenus champions du monde, donc qui ont représenté la France, des enfants qui ont écrit des livres qui sont publiés dans des maisons d'édition françaises. Et j'ai presque envie de dire, il n'est même pas nécessaire de faire tout ça. c'est-à-dire je parle de mon cas, mais en une génération, bah, des enfants qui ont un travail, qui s'assument, etc. Quelle est la communauté qui a réussi à faire ça aussi vite ? Et d'ailleurs, je pense que c'est ce qui fait peur. C'est que je pense effectivement que l'État, enfin le système, l'institution, à aucun moment n'a pensé justement que ces enfants s'intégreraient aussi vite. C'est-à-dire qu'on s'est tellement bien intégré qu'on demande à jouer un rôle politique, qu'on demande à jouer finalement à prendre notre destin en main, qu'on demande justement à reprendre en main la narration, en tout cas celle qui nous concerne. Et d'ailleurs, c'est aussi ça, l'affaire Adama Traoré. C'est que il est nécessaire finalement de réhumaniser Adama Traoré, dire qu'Adama Traoré avait la vie devant lui, dire qu'Adama Traoré était aimé, qu'il avait une famille. C'était un jeune homme de 23 ans, qui s'appelait Adama Traoré, qui s'inscrit dans une famille, qui s'inscrit dans une histoire. D'ailleurs, il est aussi important de dire que certains des grands-parents d'Adama ont participé à la libération de la France. C'est-à-dire que le destin français de ces jeunes hommes n'est pas un hasard. Si les grands-parents ou les parents d'Adama Traoré ont décidé de venir s'installer en France, ce n'est pas un hasard. C'est ça aussi que je rappelle dans mes livres. Ce n'est pas un hasard. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la France avait besoin d'hommes pour venir faire ses guerres. La France avait besoin d'hommes, de main-d'œuvre pour venir construire, enfin, pour venir la construire, pour en faire une puissance mondiale. Donc, notre destin français n'est pas un hasard. Quand je parle aussi de transmission, de filiation, c'est quelque chose qui est vraiment très, très prégnant dans mon deuxième ouvrage qui s'appelle Mba, où j'ai fait le choix volontaire de mêler le français et le bambara. Parce que c'est comme ça, au fait, que ma mère me parlait. Parce que ma mère était très fière de ses origines. Elle était très fière de ce qu'elle était. Elle était très fière de la culture qui était la sienne. Et elle nous parlait qu'en bambara à la maison. C'était aussi prendre le contre-pied de ce qui nous a imposé, de ce qui nous a été imposé pendant très très longtemps. Moi, je me souviens, pendant mes études à Sciences Po, quand j'ai postulé pour intégrer le master de journalisme et que j'ai rencontré la directrice de ce master, donc qui m'avait posé la question de « Donc, quelles sont les langues que vous maîtrisez ?» J'avais dit « Écoutez, je me débrouille très bien en anglais. Également, je parle couramment le bambara. » Elle m'avait répondu, mais alors de manière très très légère. Enfin, je ne sais pas ce qu'on va pouvoir faire avec le bambara. Et c'est vrai que je m'étais sentie humiliée à ce moment-là. Oui, cette facilité effectivement avec laquelle on exprimait cette hiérarchisation finalement entre les cultures, venant quelqu'un qui est censé faire preuve d'ouverture d'esprit, qui est censé aussi former des jeunes, conscientiser d'autres individus, en plus sur un métier qui est tout de même essentiel puisqu'il s'agit de journalisme. Donc sa remarque avait été d'une telle violence qu'il est vrai que quand j'ai réfléchi justement à cet ouvrage, je me suis dit mais l'une des meilleures façons finalement, c'est de dire j'écris pour une maison d'édition française et je vais faire parler mes personnages en bambara que vous le vouliez ou non. Parce que cette culture est légitime, cette langue est légitime et puis c'est moi, c'est mon identité. Et je suis fière de la transmission qui m'a été faite, je suis fière de ce que m'a transmis ma mère. Et si vous louez justement ma capacité de résilience, vous louez ma force, mais s'il n'y avait pas eu ma mère, cette force, je ne l'aurais pas eue. Donc voilà, le bambara, le français, le bambara pour dire, voilà, je suis multiple, je suis l'enfant d'une double culture et je suis fière de celle-ci. Si ça vous dérange, ce n'est plus mon problème. Donc j'ai décidé de vous lire un court extrait de Mba parce que... le combat qui est celui d'Assa Traoré aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est aussi celui de ma mère il y a 30 ans. Donc, Ma me disait aussi de ne surtout pas avoir peur et de faire ce que j'avais à faire. Personne ne peut t'empêcher d'être ce que tu dois être, à part toi. Kanasila, Ake, n'aie pas peur, fais ton travail. Quand la situation était particulièrement difficile, elle levait les yeux au ciel et implorait Dieu pour que nos souffrances n'aient pas été inutiles. Naka segen kanake futi, ala kanandema. Ma se rappelait ses entêtres. Je suis l'enfant de Seigneur. Tout comme eux, elle ne déposerait pas les armes contre les destins sans le combattre, quitte à le payer de sa vie. Je lui demandais quelquefois si elle entrevoyait une fin à nos malheurs. Même le plus grand guerrier a besoin de repos. À toi la main, c'est entre les mains de Dieu. Voilà. Et c'est exactement finalement ce qui est en train de vivre à ça. Moi, je me souviens à l'entame de notre affaire, il a fallu déjà prouver... que ma mère avait bien ses papiers, sa carte de séjour. Ce qui était très facile à prouver. C'est-à-dire que Elle a été représentée par un avocat d'office qui n'a pas pris la peine de demander à la principale concernée de lui fournir sa carte de séjour. Donc l'affaire a été classée dans un premier temps pour absence de carte de séjour. Il a fallu redémarrer des batailles d'expertise, de contre-expertise. Et tout ça, il faut le financer, prendre des crédits. Donc effectivement, il y a à chaque fois une famille qui vit au rythme des décisions. Des enfants finalement qui sont parachutés finalement dans une bataille qui n'est pas la leur. Moi, ma mère ne savait ni lire ni écrire. Donc c'était moi qui étais aussi continuellement en train de remplir les documents, l'accompagner chez l'avocat, lui expliquer, qui était là aussi d'une certaine manière aussi pour la réconforter quand la décision n'était pas la bonne, etc. Et c'est un combat qui a duré 8 ans. C'est-à-dire que j'ai perdu mon père à l'âge de 7 ans. L'issue de tout ce procès, a eu lieu en 96. 10 ans où on vit au rythme des décisions de justice, où on fait face à un système finalement totalement déshumanisé. J'ai presque envie de dire que nous, c'était un combat un peu dans une espèce de vase clos, de huis clos familial, entre la famille, la justice, etc. Mais l'affaire Adama a pris une telle envergure. L'État a été mis face à ses responsabilités. Donc l'État fera tout, justement, pour ne pas perdre la face. Elle a déjà commencé, effectivement, à utiliser un nombre incalculable de coups bas, j'ai envie de dire. La sœur d'une victime visée par 4 plaintes. 4 frères qui étaient en prison. Il en reste encore 2 en prison. Dans un qui risque de... Enfin, qui va passer aux assises. Mais c'est du jamais vu. Parce que, effectivement, à ça, finalement... a mis l'État face à ses responsabilités. Et donc, l'État ne peut pas perdre la face. Donc, je pense que l'État usera tous les outils mis à sa disposition pour faire taire Assa Traoré et pour faire taire, justement, ses soutiens. D'où l'importance que les soutiens se démultiplient, qu'ils soient en capacité, finalement, d'attaquer sur tous les fronts. Depuis 1 an et demi... je joue dans une pièce de Saed qui s'appelle Sur la route d'Anne Voûté, commise en scène par Karima Gerdaoui, donc qui traite des violences policières. Donc l'auteur est parti d'un fait divers qui s'est passé aux États-Unis où une jeune militante afro-américaine est appréhendée par la police pour défaut de clignotant. On va la retrouver morte, pendue dans sa cellule quelques jours après. Et c'est vrai que la démarche de l'auteur, c'est de rendre une humanité à cette femme. Justement de dire que cette femme se rendait à sa première journée de boulot, qu'elle avait un amoureux, qu'elle avait la vie devant elle, qu'elle avait une famille. Voilà, que c'est une femme comme vous et moi. C'est une tragédie qui peut arriver à n'importe qui. D'ailleurs, c'est aussi ce qui se passe avec Adama Traoré. C'est-à-dire que ce jeune homme se lève, c'est le jour de son anniversaire, il doit récupérer sa pièce d'identité à la mairie de Beaumont. Et malheureusement, il va rencontrer la route de gendarmes. Il sait qu'il n'a pas sa pièce d'identité sur lui. Il sait que s'il se soumet justement à ce contrôle d'identité, sa journée risque d'être compliquée. Il risque d'être appréhendé, d'être gardé au poste. Parce que c'est aussi ça la réalité des quartiers populaires. C'est-à-dire que vous avez l'obligation d'avoir continuellement vos papiers d'identité sur vous. Que si vous ne les avez pas, vous risquez de finir au poste en garde à vue. Vous n'avez pas le droit à un pas de côté. Autrement, vous risquez de le payer très très cher. Et Adama Traoré l'a payé de sa vie. Et ça, on ne peut plus accepter ça. Moi, j'ai 2 neveux. Je ne veux pas ça pour eux. Quand mon frère me dit qu'il se fait contrôler 2 à 3 fois par semaine parce qu'il a le malheur de passer par la gare de l'Est pour aller travailler, c'est plus possible. C'est plus possible. Enfin, je pense que j'en ai dit beaucoup. Beaucoup, beaucoup, de manière un peu anarchique. Mais c'est vrai que pour mener à bien ce combat, pour la vérité et la justice pour Adama, mais pour tous les combats, justement, qui vont mener à plus d'égalité, on a besoin d'alliés. Puisque ce sont des combats qui ne concernent pas que les quartiers populaires. Ce sont des combats qui ne concernent pas que les Noirs, les Arabes, les Asiatiques, toutes les minorités. Mais... laissez-nous mener la lutte. C'est-à-dire que nous avons l'expérience pour la mener. Nous avons le capital culturel pour mener ces combats. Mais nous avons besoin d'alliés. Soyez nos alliés. Mais laissez-nous faire le job. Merci à Aya Sissoko de s'être exprimée sur le projet Adama. Pour le jingle, merci à Samuel Iker d'avoir remixé le morceau Now's the Time de Charlie Parker. Merci à Ellie Zilberman pour le mixage. Et merci à vous d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, partagez-le autour de vous et retrouvez-nous sur les réseaux sociaux pour suivre l'actualité du podcast. Piedrazos a los cascos, primero me da pena, después me da asco. Te llenamos la plaza, bajamos en Pasco, limón y agua en contra de este fiasco. Oh, qué placer ver a la fuerza superior retroceder, retroceder, avanzar siendo millones, fuertes como un bloque, en un grito colectivo. Nadie se suicida en... toujours dans l'émission du magazine Libertaire sur JetFM 91.2 et sur jetfm.fr. Donc maintenant, nous allons parler de Jamel Chahr. Donc Jamel Chahr, c'est une personne qui avait 42 ans en 2013. Alors on parle de lui au passé parce que pour ceux qui s'en souviennent, Jamal s'était immolé devant le Pôle emploi à Carquefou, il me semble. Enfin à Nantes, du côté de la Beaugeoire, du côté de Nantes, voilà, le 13 février 2013. Donc on parle de lui parce que, enfin, on veut rappeler aussi que la précarité tue. Et la veille de son immolation, donc, l'agence lui avait signifié un rejet de droit alors qu'il avait travaillé suffisamment d'heures pour pouvoir toucher des allocations. Et on a ressorti un texte qui s'intitule « L'humanité qui convient ». Et c'est un texte qui a été écrit par des collectifs de chômeurs et précaires et qui dénonce donc les réactions publiques qui ont lieu suite à l'immolation de Jamal et aussi le mépris des institutions. Donc pour rappeler, Jamal, en février 2013, le jour de son immolation, il a dit « Aujourd'hui, c'est le grand jour pour moi, car je vais me brûler à Pôle emploi. » C'est hard. Donc on commence à lire le texte qui s'intitule « L'humanité qui vient ». Jamal Chahr est mort. Il s'est immolé par le feu le 13 février 2013 face à un Pôle emploi à Nantes. Deux jours après, un autre chômeur tentait de se donner publiquement la mort à Saint-Ouen et un autre encore quelques jours plus tard dans un pôle emploi de Bois-Colombes. Déjà l'été précédent, un homme était mort après s'être immolé à la CAF de Mantes-la-Jolie. À l'époque, la ministre des Affaires sociales et de la Santé avait fait part de sa profonde émotion face à cet acte désespéré d'une personne que les difficultés de la vie ont manifestement conduit à un geste tragique. La ministre déléguée chargée de la lutte contre l'exclusion avait ajouté qu'en première ligne, face à ces difficultés sociales, le personnel de la CAF a rempli sa mission avec sérieux et compétence. Au lendemain de la mort de Jamal, le président de la République évoquera avant tout le caractère exemplaire du service public de l'emploi. Les réactions publiques, comme à chaque fois, qualifient le geste de drame personnel. On exprime à peu de frais son émotion tout en cherchant à déresponsabiliser l'institution. Une cellule psychologique est créée pour les agents. Le sale boulot de gestion de la précarité peut reprendre. Et si quelques voix s'élèvent pour faire du mort une victime, ces discours participent d'un consensus qui recouvre la dimension politique de ce qui a eu lieu. La veille de son immolation, Jamal écrit « J'ai travaillé 720 heures et la loi c'est 610 heures. Et Pôle emploi a refusé mon dossier. » Le ministre du Travail et du Dialogue Social répondra « Les règles ont été appliquées avec l'humanité qui convient et avec les explications nécessaires, mais il y a parfois des moments où on est dans une telle situation qu'on ne comprend plus les explications. » L'humanité qui convient. Quiconque a affaire à Pôle emploi ou à la CAF sait ce dont il s'agit. C'est l'État qui remet à un agent le soin de décider des moyens de subsistance d'un autre humain. Ce sont des calculs comptables qui vont faire oublier les vies derrière les chiffres. Ce sont des règles d'indemnisation opaques, arbitraires, rarement explicitées et qui excluent plus de la moitié des chômeurs de l'allocation. C'est le mépris et le soupçon avec lequel on traite quiconque dépend d'une institution pour ses revenus. C'est transformer les droits sociaux en dette individuelle et réduire par là tout horizon, toute capacité à se projeter. L'humanité qui convient, c'est nous culpabiliser de n'avoir pas d'emploi dans cette société-là et nous forcer à jouer le jeu. C'est une logique qui transpire partout. Elle s'impose aussi à nous dans l'entreprise où chacun est contraint à grands coups de management de s'impliquer personnellement, de se réaliser en tant que capital humain, de faire corps avec son travail aussi indésirable soit-il. Jamal a décidé de ne pas faire le grand saut dans le noir en silence. Nous ne pouvons accepter comme un accident de parcours l'acte d'un homme qui a décidé de mourir en accusant. S'obliger à parler, dire que l'institution tue, dire qu'il ne s'agit pas de drame personnel. Et si son geste nous renvoie à nous-mêmes, à nos solitudes et nos découragements, il renvoie aussi à la nécessité de s'attaquer à cette violence qui nous est faite. Dans l'entraide et la solidarité que nous éprouvons par bribes, au présent et que nous essayons de construire jour après jour, nous voyons un des moyens pour reprendre ensemble prise sur nos vies. Donc voilà, ça c'était un texte écrit par des collectifs de chômeurs et précaires qui sont réunis en coordination donc, suite au décès de Jamal en février 2013.

Je ferai ensuite une présentation de l'auteur, en essayant de mettre en évidence son parcours atypique d'ouvrier, écrivain, historien. Enfin, je présenterai l'ouvrage en tentant à la fois de souligner les éléments importants qui jalonnent le récit et en expliquant l'importance de cette œuvre littéraire dans le souci de patrimonialisation de la mémoire ouvrière, notamment pour les nouvelles générations comme la mienne. Donc pour me présenter, donc je m'appelle Marine Tesson, je suis étudiante en sociologie. Donc après 3 années de licence à Nantes, je suis partie à Poitiers pour préparer mes 2 années de master. Donc je suis actuellement en dernière année d'études et j'effectue une recherche sur l'écriture autobiographique d'écrivains, ouvriers et paysans sous la direction de Laurent Sélénat, qui est maître de conférence à l'Université de Poitiers. C'est dans ce cadre de recherche que j'ai eu l'opportunité de lire les prolos et de rencontrer Louis Houry. Donc là, je vais faire une présentation de l'auteur tout d'abord. Donc Louis Houry est né le 23 septembre 1933 à Montmusson, commune de Loire-Atlantique, mais passe son enfance à quelques kilomètres à Frégny en Maine-et-Loire, où ses parents se sont installés suite à la crise des années 30. Son père, manœuvre et journalier agricole, et sa mère, femme au foyer, accordent beaucoup d'importance donc à ses études, sacrifiant le peu qu'ils ont pour lui assurer un avenir meilleur. Influencé par une formation catholique et grâce au soutien de son maître d'école, M. Aubé, Louis Houry obtient son certificat primaire, d'études primaires à l'âge de 13 ans et s'inscrit par la suite en centre d'apprentissage à Narcé près d'Angers, où il obtiendra 3 ans plus tard son CAP de chaudronnier-fer. Son diplôme en poche, il fait son entrée dans la classe ouvrière le 18 décembre 1950 à la Sasserre, une usine de chaudronnerie. Mais Louis Houry ne restera pas chaudronnier toute sa vie, puisque sa trajectoire sera marquée par une volonté constante de mobilité, à la fois professionnelle et culturelle. D'abord ouvrier chaudronnier pendant 12 ans à Saint-Nazaire, à l'usine de Paouette, il deviendra dessinateur industriel, puis ingénieur d'ordonnancement à Nantes. Parallèlement à ce parcours de promotion sociale, Louis Houry entre en littérature à 40 ans en écrivant Les Prolos, publié en 1973, ouvrage retraçant la condition ouvrière pendant les années des Trente Glorieuses. S'en suivent de nombreux ouvrages romanesques traitant de la décolonisation dans les années 60, avec Les Feux du Sacrifice, de la maîtrise de la matière, donc Mon village à l'ère nucléaire, ainsi que du développement de la science informatique avec L'Exprimas dans les années 70. Son combat d'écrivain l'amène à un véritable travail d'investigation, remettant en cause de nombreuses idées reçues sur l'histoire locale, notamment à travers l'ouvrage Rouget le braconnier, drame de 1854, qui a fortement inspiré Victor Hugo dans Les Misérables, ainsi que l'ouvrage Les Chapeliers de Machecoul, retraçant l'insurrection vendéenne en 1793. Ce parcours atypique d'un ouvrier devenu ingénieur puis écrivain historien porte l'originalité de ses œuvres à la fois rurales, historiques et sociales. Donc là, je vais faire une petite introduction à la présentation de l'ouvrage. Donc Les Prolos, c'est un ouvrage autobiographique publié pour la première fois en 1973 par la maison d'édition de Noël. Il est aujourd'hui réédité pour la 3e fois par la maison d'édition Agone. Donc cet ouvrage raconte avec justesse la condition ouvrière de la décennie 1950 en apportant le témoignage de l'auteur qui est alors ouvrier du chantier naval de Saint-Nazaire. On y découvre son parcours, celui d'un jeune ouvrier chaudronnier issu du monde rural et agricole, marqué par des valeurs catholiques, pour qui le passage par la condition ouvrière représente à la fois un chemin difficile, notamment parce qu'il entre dans un monde dont il ne connaît ni les codes ni les valeurs, mais qui cependant sera une opportunité essentielle dans son parcours de promotion sociale. L'ouvrage offre ainsi une vue d'ensemble de la condition ouvrière, et plus précisément de cette génération d'ouvriers qui dans les années 50 ont connu leur apogée en tant que classe, du fait de la prégnance syndicale et de l'amélioration de leurs conditions de vie. L'ouvrage retrace ainsi la grande grève des chantiers navals de Paouette de 1955, qui aboutira, après 7 mois de combat, à des accords d'augmentation salariale de 22%. On retrouve là l'usage social de la littérature ouvrière, qui porte le poids historique des grandes transformations économiques et sociales, en l'occurrence qu'a connu la France ici pendant les Trente Glorieuses. Cet ouvrage, qui sera écrit en l'espace de 16 mois, sera d'abord envoyé à 22 maisons d'édition, lesquelles ne souhaitant pas le publier, jugeant un langage trop abrupt. Finalement, les éditions de Noël acceptent de le publier sous réserve de certaines modifications. L'écrivain Jean Frestier apporte ainsi des critiques au manuscrit, lui demandant de supprimer certains passages, comme des scènes de bizutage entre ouvriers. Publié à plus de 70 000 exemplaires, ayant reçu le prix de Nantes en 1973 par l'Académie de Bretagne, cet ouvrage entre en résonance avec un combat littéraire mené 50 ans plus tôt par Henri Poulaille, auteur prolétarien, pour qui l'introduction de l'expression du peuple au sein de la littérature française relevait d'un impératif culturel. Avant de présenter l'ouvrage, je souhaite revenir sur le retentissement médiatique qui a suivi sa publication. En effet, Les Prolos a connu une ampleur médiatique importante, notamment parce qu'au-delà de la reconnaissance de cette œuvre en tant qu'œuvre littéraire, les médias soulignent le caractère exceptionnel de cette œuvre écrite par un ouvrier. L'étude du monde ouvrier semble être en effet, c'est toujours le cas, l'apanage des intellectuels, notamment des sociologues. Or, ce que révèlent les articles de presse, c'est la singularité de cet écrit qui vient de l'intérieur. Et comme il est de ce fait bouleversant d'authenticité. Il parle alors de documents uniques, agissant comme une nécessité culturelle, afin de redonner une voix à ceux qui savent de quoi il parle. Dans sa lettre écrite pour Liouri, le baron Armel de Wisme, chevalier de l'ordre de Malte, estime que le succès de cet ouvrage est une justice et qu'il doit sa réussite en tant qu'écrivain par ce quelque chose que Baudelaire appelait l'originalité par la franchise absolue. De même, l'article de Ouest France du 17 avril 1973 par Jean-Minique Boucher souligne cette démarche. Enfin quelqu'un qui sait ce dont il parle. Dans l'article Raison sociale, rubrique sociologie, du 8 juin 1973, Serge Vanier déplore le manque d'écriture traitant de la masse laborieuse. Il parle ainsi de l'œuvre de Louis Houry comme une tranche d'histoire sociale et ajoute, sans périphrase tout simplement, il nous dit ce que les sociologues découvrent du fond de leur confortable bureau. Cette appropriation de la parole ouvrière par un ouvrier permet de contribuer à l'émancipation d'une classe tout entière qui, par la voix de Louis Houry, porte le témoignage de milliers de prolos. Ainsi, la littérature de témoignage, telle qu'elle est énoncée dans les prolos, sert à dénoncer et est porteur d'une critique sociale, pouvant permettre à terme une amélioration des conditions de vie ouvrière. Le journaliste Henri Muller parle d'une incitation à mieux considérer les ouvriers par les bureaucrates, car l'injustice sociale, décrite dans cet ouvrage, offre un espoir de changement. Il explique « Le livre de Louis Houry aura-t-il le mérite, il faut le souhaiter, d'inciter main bureaucrate à mieux considérer ses prolos aux ongles sales et aux mains calleuses, ces parias du travail, qui, n'ayant pas choisi leurs conditions, ivres de fatigue, ressentent dans leur chair, dans leur meurtrissure, toute l'injustice du monde. » Enfin, les articles de journaux révèlent le caractère formatif du livre qui traite d'un monde mal connu, qu'est celui des prolétaires. Le Monde titre ainsi l'article du 16 avril 1973 « Le prolétaire, c'est inconnu » et ouvre le débat sur l'invisibilité dont souffre le monde ouvrier. De même, pour le Nouvel Observateur du 9 avril 1973, lire Louis Houry, c'est écouter une voix très rare, celle d'une classe sociale plutôt muette, mais que la littérature n'ignore pas puisqu'elle a souvent parlé en son nom. Ainsi, l'Express du 23 avril 1973 part d'un livre rare, mais surtout d'un livre nécessaire. Donc là, je vais présenter plus en détail le contenu de l'ouvrage. Donc le livre débute sobrement et directement par une date qui scelle l'entrée de Louis Houry dans la classe ouvrière, donc le 18 décembre 1950. Il est alors recruté en tant qu'ouvrier qualifié chaudronnier à l'usine de la Sasserre, une entreprise de chaudronnerie d'une centaine de salariés. Il découvre pour la première fois le monde de l'atelier, un univers de violence dans lequel l'auteur déplore le manque de solidarité. Vient alors les premières confrontations avec la hiérarchie et les anciens de l'usine, car ce que Louis Houry découvre en premier, ce sont les brimades humiliantes des anciens, qui laissent planer dans l'atelier une ambiance de rivalité et d'hostilité face à ces jeunes arpètes diplômés, sortis d'une formation théorique. Et c'est pour compenser ce manque de connaissances théoriques que les anciens lancent les hostilités et s'octroient le beau du travail. L'exemple le plus significatif étant la scène où il est appelé à déplacer une tôle épaisse, avoisinant les 300 kilos. Les anciens ayant déjà choisi les côtés où la tôle ne touchait pas le sol, la place restante qui lui est attribuée correspond à l'endroit où l'effort physique à produire est le plus intense, environ 85 kilos, contre la moitié de ce poids pour ses collègues. Donc là, je cite l'ouvrage. Se trouvant sur la défensive, du fait d'une infériorité théorique fondamentale, ils vont profiter de leur expérience incontestable pour tenter de conserver les privilèges qui le permettent, entre autres, de se voir confier les travaux intéressants, le beau boulot, avec un boni pratiquement garanti du fait de la complexité des pièces à réaliser. On découvre ainsi le premier conflit de l'ouvrage, l'animosité des anciens étant la conséquence d'un conflit de génération où les aînés exploitent les plus jeunes et prennent plaisir à les rabaisser. Quelques mois plus tard, un combat de masse le libérera de cette posture subalterne. Il conclura qu'à partir de ce jour, il ne reçut plus de coup de pied au derrière. Ce rite de passage qu'il supportera plus que de mesure l'encouragera par la suite à s'adonner au cyclisme, un sport qui le débarrassera de sa timidité et contribuera à améliorer ses capacités physiques, le sport matérialisant son entrée dans le monde ouvrier. D'ailleurs, dès les premières pages, il y a une mise en évidence des conséquences, des cadences de travail sur le corps tout d'abord, qui après 9 heures de travail intense, 6 jours sur 7, est endolori, fatigué et vidé de sa force. Vient ensuite la difficulté de quitter cet état léthargique quand il se retrouve à l'hôtel. Là, je cite l'ouvrage. Et ainsi, du matin au soir, pendant une dizaine de jours, les membres sont là, la tête est vide, mais pleine de bourdonnement. Au dîner, je me surprends à compter chaque louche de potage que verse la serveuse dans mon assiette. 1, 2, 3, à se demander si je ne vais pas devenir dingue. 6, 7, 8. Au début du récit, Louis Houry n'a pas véritablement conscience de l'aliénation du travail ouvrier et de ses conséquences sur la dépossession de soi. D'ailleurs, il explique accepter ce sort avec un certain fatalisme, ses projets d'avenir, dit-il, ne dépensant pas la fin de semaine. Il est important de souligner aussi l'idée fondamentale selon laquelle la carrière d'ouvrier est synonyme à l'époque de réussite sociale, notamment pour ses parents issus d'un milieu de petits paysans qui l'ont incité à prendre cette voie afin d'améliorer ses conditions de vie. Cette idée incite Louis à accepter en premier lieu cette situation. Il s'engage d'ailleurs à ne pas parler de ses déconvenues à sa famille. Mais dans ce décor de désolation, il y a pourtant un élément qui l'aide à surmonter sa condition, c'est la rencontre avec des ouvriers qui deviendront ses bons copains, qu'il retrouve tous les soirs à l'hôtel, et avec qui il va vivre, je cite, « les plus beaux moments de ma vie ». Il dresse tout au long du récit le portrait de ses camarades, qui l'accompagnent tous les jours à l'usine. Mimille tout d'abord, qui vient d'un milieu très modeste, similaire à celui de Lurie, un ouvrier qu'il rencontre pendant ses premières années à la Sasserre, ou encore Robert, un ouvrier rencontré au chantier naval, avec qui il se retrouve pour lire. D'autres portraits plus noirs jalonnent le récit et témoignent des conditions sociales des ouvriers, pour qui la fin de carrière à l'usine est souvent synonyme de mort. Là, je cite encore une fois l'ouvrage. Il y a encore le père Massé, le bonhomme âgé de 72 ans. On le garde comme balayeur. Il a demandé à rester dans l'atelier plutôt que de prendre une retraite qui ne lui permet pas de vivre décemment. Un vrai squelette. Il n'y a plus que la peau sur les os. On entend ses jointures craquer à chacun de ses mouvements. On craint que le balai ne se transforme en faux et on s'écarte instinctivement. Lui aussi, c'est un drap sans bruit, tout doucement, usé jusqu'à la moelle par 60 ans d'atelier. 60 ans dans le même atelier, sans jamais en changer. 60 ans. Le père Massé, qui s'éteindra sans bruit, est le symbole de l'invisibilité de la condition ouvrière et de l'exploitation patronale que dénonce Liouri. Puis il y a ceux qui essaient de s'en sortir, en tout cas de sortir de leurs conditions sociales, comme Édouard, ce père de 45 ans, qui espère devenir ouvrier professionnel troisième niveau, et qui, pour compenser son manque de formation théorique, demande de l'aide à ses enfants. Puis il y a le rapport à l'argent, ou le pognon tel qu'il est énoncé dans le texte. En effet, l'histoire de Léori pourrait être l'histoire de tant d'ouvriers, d'hommes et de femmes ordinaires qui louent leur force de travail avant tout pour manger et pour survivre. Ainsi, pour arriver à joindre les deux bouts, il faut travailler au minimum 54 heures, tirer son boni et faire des heures supplémentaires. Certains travaillent même pendant les congés payés en espérant économiser assez pour construire leur propre maison. Au début de sa carrière, Léori économise chaque semaine pour s'offrir un vélo neuf. Cependant, sa condition de prolétaire le rattrape très vite, d'une part parce qu'un vélo coûte 16 000 francs et qu'il n'arrive à économiser que 100 francs par semaine, et d'autre part parce que ses seules économies servent aussi à aider ses parents. Pourtant, après de longs mois de privation et de sacrifices, Liouri achète un vélo neuf, scellant selon lui le tournant de son adolescence. Comme une étape vers sa vie d'adulte, l'effort sportif qu'il produit lors des compétitions se répercutera à l'atelier, puisqu'au sommet de sa condition physique, il prendra assez confiance en lui pour affronter les anciens de l'atelier. De plus, le cyclisme représente pour lui un dérivatif, lui faisant, je cite, « oublier les heures noires de l'atelier », notamment parce qu'il lui permet de rendre visite tous les dimanches à sa fiancée. L'auteur met aussi en évidence le rapport différencié du sport selon les classes sociales, l'analyse de la pratique sportive étant le reflet du milieu social dans lequel évolue l'individu. Ainsi, l'exploit sportif dans le monde ouvrier est abordé sous l'angle de la force physique et de la puissance musculaire, alors que dans le milieu intellectuel, on valorise davantage des sports de précision, comme il le cite, le tennis ou le golf. L'argent est aussi une condition qui définit la place et la représentation qu'occupe l'ouvrier dans l'espace social, notamment parce qu'il induit une dissociation de l'apparence physique des ouvriers et des bourgeois, les premiers étant obligés de travailler avec les mêmes vêtements tous les jours, les seconds ayant les moyens financiers de se payer du linge propre quotidiennement. Là, je cite l'ouvrage. « Comme quoi, l'habit peut faire le moine, l'ouvrier ressemble à ce qu'il doit être, sale. » La crasse et la saleté résument donc le quotidien ouvrier, subissant par la même occasion les regards avilissants des bourgeois, qui jugent cette apparence, alors même qu'elle est valorisée à l'atelier, car synonyme de travail accompli. Car l'atelier salit, et l'ouvrier se trouve d'autant plus sale quand il arrive le lundi matin à l'usine, fringant et encore parfumé du dimanche. Il y a là l'opposition entre deux corps. Donc le corps du dimanche, propre et reposant, et le corps de l'ouvrier, celui du travail, sale et douloureux, dans lequel il doit se glisser 6 jours sur 7. L'homme revêt ainsi ses habits d'ouvrier, ce bleu qui le caractérise, dont l'objectif principal pour Liouri sera de s'en débarrasser. Le rêve est un contrepoint essentiel du monde ouvrier et permet certaines fois d'échapper à sa condition. Liouri évoque ainsi le rêve de voyage et la découverte d'un monde imaginé jusqu'alors dans les livres. Il expose notamment le déplacement des délégués lorsqu'ils partent à Paris avec les membres de la direction dans un restaurant par exemple. Ils écoutent le récit quelque peu irréel de ces derniers qui ont eu l'opportunité de manger du homard et de goûter du champagne, cette boisson sacrée réservée aux nantis. Le rêve est aussi présent lorsqu'en déplacement professionnel en période de Noël, loin des siens, il pense à ces bourgeois qui ont la chance de passer Noël en famille. Donc là, je cite l'ouvrage. « Pendant quelques minutes, j'ai suivi son sillon lumineux à travers la plaine glacée. Une douce chaleur m'a envahie. J'ai vécu la soirée de ces bourgeois heureux. Je les ai vus dîner aux chandelles. Je les ai vus rôter avec délicatesse dans leurs serviettes entre deux sourires polis adressés aux occupants de la table voisine. Je les ai vus déguster des vins fins avec des airs connaisseurs. Et pendant ce temps, nous passons notre nuit de Noël au glaçon parce que la production d'électricité nous l'impose. Et si elle nous l'impose, c'est parce que les bourgeois désirent la lumière et que la lumière, c'est la vie. » Qu'après 2 ans à Ségré, dans l'atelier de chaudronnerie, il obtient de nouvelles responsabilités. Son rôle est alors de prendre des décisions sur des réparations d'engins valant plusieurs millions de francs. Cependant, il prend petit à petit conscience de l'asservissement et de la subordination des ouvriers dans cette entreprise et décide de tenter sa chance dans une plus grosse usine, les chantiers navals de Pinouette à Saint-Nazaire. Il a alors 20 ans et découvre un autre monde où les ateliers immenses accueillent près de 10 000 hommes domptant la matière chaque jour dans un bruit assourdissant. C'est à cette période-là qu'il comprend que la condition ouvrière condamne le cheminement intellectuel et l'épanouissement personnel des ouvriers, car le travail d'atelier aliénant contribue à appauvrir l'esprit. Là, je cite l'ouvrage. « La plupart de mes connaissances technologiques, si chèrement acquises par les privations de mes parents pour me faire instruire, s'estompent peu à peu. Mon esprit se rouille et j'éprouve la pénible impression, en ramenant tout problème à une question d'ordre physique, de tisser moi-même un cocon qui m'asphyxiera tôt ou tard. » Cette première étape de conscientisation de la condition ouvrière évoluera au fil du récit. Même s'il est très tôt conscient de la reproduction sociale dont les ouvriers sont victimes, il écrit à ce titre « Il n'en reste pas moins que l'égalité des chances données à chaque individu pour qu'il s'épanouisse reste pleinement à faire. » Il sera d'ailleurs toujours très critique à propos de la promotion sociale, qui selon lui n'est possible qu'au détriment de nombreux sacrifices et ne représente par conséquent qu'une petite partie des ouvriers. Le rapport à la culture est aussi un élément important qu'on retrouve beaucoup dans cet ouvrage et représente un autre combat de Louis-Henri. En effet, autodidacte chevronné, il met en place des stratégies d'appropriation littéraire pour ainsi combler sa soif de connaissances. L'acquisition d'un livre étant pour lui trop onéreux, il est d'abord inenvisageable de s'en procurer. Alors il lit tout ce qui lui tombe sous la main, comme des vieux journaux qui traînent dans la rue, des pages de revues enveloppant les outils, ainsi que des bouts de papier qui jonchent le sol des toilettes de l'usine. Son besoin de s'intellectualiser par la lecture est d'ailleurs un désir d'abord réprimé, puisqu'il est considéré dans le milieu ouvrier comme une faiblesse, ce milieu valorisant davantage la force physique au détriment de facultés intellectuelles. Mais au chantier naval de Pinouette, il décide, sous le conseil d'un ami, d'acheter des livres de la collection de poche, plus abordables, lui permettant de s'instruire après une longue journée de travail. Il achète tout d'abord La Bête humaine de Zola, mais éprouve des difficultés à lire cet ouvrage. Il comprend tout de suite que cet état de fait est inhérent à sa condition d'ouvrier. Cette conclusion sera, dit-il, une des constatations majeures de ses 20 premières années. Louis-Henri dénonce par cet exemple la domination de classe que subissent les milieux populaires, les milieux bourgeois ayant visiblement le monopole de l'aisance intellectuelle. Puis il y a la vie après l'atelier, notamment les logements ouvriers, où sont stockés, comme il le nomme, la chair à machine. Des cellules ressemblant à des cachots, blanchies à la chaux, composées d'une petite table, d'un lit, d'une chaise, d'un lavabo et d'un placard. C'est pourtant dans ce décor que l'esprit de Louis-Henri va voyager à travers la lecture d'ouvrages classiques. Camus, Carcot, Malraux, Colette, Sartre, Green, Saint-Exupéry, Zola, rassasiant comme il le peut sa soif de savoir. La littérature l'aide ainsi à se détendre et relâcher la pression mentale et physique qu'il doit tenir à l'atelier. Ses lectures quotidiennes lui apportent de l'assurance et lui confèrent, je cite l'ouvrage, une supériorité indiscutable lorsqu'il s'agit de raisonner. Il apporte ainsi une analyse sociologique à ce phénomène, selon laquelle il existe au sein de la classe ouvrière une hiérarchie intellectuelle qui n'est pas naturelle, liée au contexte de vie dans lequel évolue l'individu. Mais au-delà de cette quête culturelle, c'est aussi le confort bourgeois dont il rêve secrètement. Ceux qui ont la chance de passer Noël en famille, ceux qui peuvent dormir le dimanche sans avoir besoin d'aller travailler, ou ceux qui mangent des oranges tous les jours. Là, je cite l'ouvrage. « Je longe les maisons mornes et silencieuses. Leurs habitants sommeillent douillettement à cette heure-ci. Ils feront sans doute la grasse matinée après avoir formé les volets et jeté un coup d'œil au thermomètre. Brrr, -5, se diront-ils. » Alors ils feront chauffer le café, qu'ils prendront au lit avec la bourgeoise, en échafaudant des projets d'avenir, sans penser qu'en ce jour de repos, des gars ont enfourché leur vélo, le ventre vide, pour aller à l'usine. Très vite, le récit met aussi en évidence un autre combat que mènera Louis-Henri tout au long de sa carrière d'ouvrier, celui justement de l'acculturation à ce monde qu'il connaît si peu, lui qui vient d'un milieu rural, où la prégnance catholique influence davantage à la passivité et à la soumission plutôt qu'à la révolte. Ainsi, il regrette très vite la quiétude du foyer familial, son Anjou natal, qui tranche avec la morosité de l'usine, où le vocabulaire ouvrier ne dépasse guère les banalités et allusions grivoises. C'est pourtant dans cet univers qui lui semble lointain qu'il va ressentir pour la première fois le pouvoir grisant de la solidarité ouvrière, s'éloignant davantage de l'individualisme rural de la Sacer. Il fait ainsi connaissance avec ce qui sera son quotidien, les milliers d'ouvriers à vélo qui se pressent tous les matins pour se rendre au chantier, et la sirène qui rythmera de longues journées de travail, rappelant que le labeur ouvrier commence tôt le matin et se finit tard le soir. L'impression de masse, qu'il décrit avec précision, lui fait ressentir une solidarité immédiate, rappelant qu'à cette époque, les ouvriers formaient une classe uniforme, ce qui scellera plus tard l'action collective menée en 1955. Il est impressionné par le bruit de l'atelier, de la sirène et de la salle de restauration qui rassemble des milliers d'ouvriers autour de plats collectifs. C'est à la pause de ce premier repas qu'il fait la connaissance d'un représentant syndical, Jules, qui prononce un discours enflammé sur les prochaines luttes à mener. Il est alors subjugué par l'éloquence de l'orateur, qui captive une assemblée d'ouvriers d'habitude si bruyante. Puis soudain, il se souvient des conseils de ses parents et des curés de sa paroisse, qui voient d'un mauvais œil l'insurrection ouvrière. Se mêlent alors des sentiments contradictoires. En effet, l'ambivalence des sentiments qu'il éprouve face à ces ouvriers qui se révoltent rythme le récit, Louis Houry étant tantôt fasciné, tantôt rebuté. Les voyous, tels que les décrivaient sa famille et les prêtres dans son Anjou natal, sont-ils réellement des rejets de la société, de connivence avec les communistes ? Sa rencontre avec Guy, un jeune travailleur, qui a eu une altercation quelques jours plus tôt avec les gendarmes, modifie son jugement, qu'il croit désormais avoir toujours été davantage le jugement des autres que le jugement des siens, que le sien. Le passage abrupt et sans transition de son Anjou natal et de l'univers pastoral à, je cite, l'univers de merde, de sueur et de sang, le marque profondément. C'est pourtant dans cet univers impitoyable qu'il va comprendre peu à peu l'injustice de sa condition, de la condition de tous ses ouvriers, tirant leur bonnie de toute leur force, avec un salaire leur permettant tout juste de survivre. Il devient très vite solidaire de ses camarades et commence à se révolter face à l'intransigeance de la hiérarchie, pour qui les travailleurs ne sont que de la chair à machine, des robots déshumanisés, qui n'existent que pour produire. Même s'il n'approuve pas entièrement les mouvements contestataires, il prend pleinement conscience que les revendications des ouvriers ne se gagnent que par la force et que nous devons nos plus belles conquêtes sociales à quelques poignées d'ouvriers les plus revendicatifs pour qui l'acquisition de la dignité de ces travailleurs ne passe que par des luttes syndicales. Là, je cite l'ouvrage. Il est difficile de citer Mao, Marx ou Marcus tant que la masse inculte des ouvriers n'aura pas compris que l'amélioration de sa condition passe par l'abolition du capitalisme et la fin de l'exploitation qui en découle. Le rapport au travail semble être irrémédiablement lié aux conditions physiques qu'il requiert. Le combat de la matière, dompté à longueur de journée par l'ouvrier, est à la fois le symbole d'une lutte sans fin, puisque l'ouvrier plie, forme, soude, découpe, mais il est aussi le symbole de la fierté du travail accompli. Cependant, ce combat contre la matière résulte en partie de l'aliénation des ouvriers face à leur travail, qui semble articulé comme des robots, l'acte de travail ne requérant aucune réflexion. À ce titre, il expliquera dans son ouvrage « Seuls les jurons confirment que sous cette mécanique sommeille un homme qui mène un semblant de vie familiale, un homme qui souffre dans cet atelier, qui n'est même plus conscient de sa condition, qui est déshumanisé. Cette fierté du travail ouvrier est matérialisée pour lui ouvrir par la construction d'un conduit de fumée pour le pétrolier Dalila, tâche qu'il doit effectuer en un mois. Il raconte avec fierté ce conduit de fumée qu'il reverra 17 ans plus tard en longeant le bassin de Parouette. Le temps alloué à la construction du conduit de fumée, par exemple, est déterminé par le boni, c'est-à-dire le rapport entre le temps alloué sur la fiche de travail et le temps passé par l'ouvrier pour réaliser ce travail. Le salaire se compose ainsi d'une partie fixe et d'une partie variable, appelée le boni. 50% du salaire est versé en totalité seulement si le travail est exécuté dans le délai imparti. Ce système place ainsi l'ouvrier sous l'autorité du telleur et du pointeur. Il se montre d'ailleurs très critique face à ce système qu'il considère comme un véritable moyen de pression pour la direction. Il n'est d'ailleurs pas rare que l'ouvrier ne connaisse pas tout de suite le temps prévu pour la construction de la machine, le laissant ainsi dans l'incertitude. Il n'est pas rare non plus que la direction réduise au fil des mois le temps alloué à l'exécution d'un travail dans le but d'accroître la productivité. Pour ces raisons, l'ouvrier commence à exprimer sa colère face à ce système d'exploitation injuste qui oblige les ouvriers à travailler à un rythme harassant, ce dernier allant même jusqu'à travailler dimanche pour respecter le délai alloué. La quête du boni l'engage alors dans une véritable course contre la montre, ce qui change son comportement et son rapport à l'insurrection. Lui qui, au début de sa carrière, n'osait même pas répondre à ses collègues. Je cite encore une fois l'ouvrage. « Voilà seulement un mois, j'aurais esquissé un sourire contrit devant l'attitude d'indifférence du soudeur, alors qu'aujourd'hui, ma réaction tendrait vers la violence. Violence physique nécessaire pour modeler la matière, violence verbale qui s'impose pour se faire respecter dans un milieu où toute faiblesse de caractère est préjudiciable. » La quête du boni engendre aussi des sentiments contradictoires entre le besoin vital de manger après de longues heures de travail et l'impératif économique qui résulte de cette situation d'exploitation. Il prend conscience qu'à l'époque, il n'avait pas compris le sens de cette exploitation au travail, car trop heureux des avantages sociaux qu'il avait acquis avec ce nouvel emploi, il supporte stoïquement cet état de fait, qui lui fait supporter la faim au détriment du boni, davantage perçu comme un exploit sportif qu'une nécessité financière. La pratique alimentaire sur le lieu de travail, dans ce récit, occupe une place particulière, notamment parce qu'elle définit les rapports sociaux. À l'inverse de la cantine, qui est un univers bruyant, baignant dans une effervescence, le repas d'atelier tel qu'il est évoqué dans cet ouvrage semble être calme et reposant et donne des indications sur l'univers privé des ouvriers, notamment sur le budget alloué au repas. Quand pour Liori il est question de vin rouge et de sandwich au pâté, il est question pour d'autres de tartines beurrées accompagnées d'échalotes crues. Mais il y a aussi ceux qui ont la chance d'apporter au travail des gamelles préparées la veille par leurs épouses, ce qui n'est pas le cas de Liori, célibataire, qui doit se contenter de repas froids. Le vin, avidement bu pendant les périodes de pause, aide à vaincre le froid de l'atelier et la dureté du travail quotidien. Il s'étonne d'ailleurs de boire autant sur son lieu de travail, lui qui ne consomme que très peu d'alcool à l'accoutumée. Pendant cette période, il rencontre Joseph, le manœuvre qui travaille avec lui pour la construction de ce conduit de fumée. Marqué par les événements de vie douloureuse et souffrant des conséquences de sa condition sociale, Joseph se réfugie dans l'alcool et s'absente de plus en plus de l'atelier. Ils accuseront ainsi un retard d'une demi-journée sur la construction du conduit et une perte de salaire de 4% pendant près de 3 mois. C'est lorsqu'il revient de son service militaire à Oran, l'usine est en grève depuis 2 mois, les représentants syndicaux souhaitant abolir le boni. Ce mouvement de contestation est promu par les soudeurs, qui pourtant tributaires du travail des chaudronniers doivent désormais effectuer le boni. Il annonce avec précision les 3 syndicats qui menèrent ce combat acharné contre la direction. Jules Buisson, de la CGT, Paul Manoué, représentant FO, Nestor Rombaud, de l'ancienne CFTC, et Jean Ramé, militant CGT, ainsi que les 15 000 ouvriers de Pinouette. Au-delà de la suppression du boni, les syndicats cherchent aussi à augmenter le salaire des ouvriers des chantiers navals, d'environ 30%. Le terre-plein de Pinouette est, comme rappelle Louis Houry, l'organe vital de Saint-Nazaire et représente le haut lieu du syndicalisme français. L'importance des luttes politiques et syndicales bordant la Loire laisse encore d'ailleurs une trace très vive dans la mémoire ouvrière locale. La mobilisation s'amplifie très rapidement et impacte des usines avoisinantes, comme la SNCASO, excusez-moi, qui souhaite obtenir la suppression des heures supplémentaires. Aucun accord n'ayant été trouvé entre le patronat et les syndicats, les négociations échouent et les ouvriers multiplient les actions revendicatrices. Du fait de son héritage familial, qui réprime ses sentiments contestataires, pourtant si marqués à Pinouette, il reste dans un premier temps simple témoin de cette rébellion, ce qui ne l'empêche pas d'observer avec précision les détails structurant cette grève. Le 20 juin 1955, le mouvement se radicalise. Des centaines de soudeurs se dirigent vers les locaux de la direction et en prennent d'assaut le bâtiment. Les représentants syndicaux parviennent cependant à les évacuer, sollicitant une nouvelle réunion avec la direction. Les négociations échouent une nouvelle fois, et cette fois-ci c'est l'ensemble des ouvriers de l'usine qui prend d'assaut les locaux de la direction, puis la met à sac, dont la cantine des ingénieurs. Les fournitures de bureaux sont jetées par les fenêtres, ce qui laisse entrevoir une frontière très nette entre le monde des ateliers, où œuvrent chaque jour les ouvriers, et le monde des bureaux, où travaille le personnel de la direction. Des ouvriers trouvent notamment des bouteilles de champagne qu'ils s'empressent de goûter tout en bombardant les ouvriers qui se trouvent autour. Cette scène entre en résonance avec la scène du champagne sabrée quelques mois plus tôt pour le baptême du pétrolier Esso Paris, suscitant des commentaires virulents de la part des ouvriers. Donc les ouvriers décident d'occuper l'atelier où règne un climat d'exaltation et de conflit, les événements ayant exacerbé leur conduite. Ce comportement consterne tout d'abord Liori et le conforte dans ses contradictions. Donc là, je cite l'ouvrage. « Tout ce spectacle m'attriste et me replonge dans mes contradictions. Je me souviens du jour de mon arrivée à Saint-Nazaire, voilà déjà près de 2 ans, et des paroles de Jules, le délégué. Et s'il le faut, nous prendrons la Bastille, avait-il clamé à son auditoire. Ce jour-là, ses paroles m'avaient galvanisé et je m'étais juré de participer à cet épisode révolutionnaire. Eh bien là, mon petit pote, aujourd'hui, tu as vu la prise de la Bastille et tu es resté complètement amorphe devant ce spectacle. Je me sens incapable de franchir le pas, alors qu'elle se dresse devant moi, cette Bastille, occupée depuis ce matin. Pourtant, le 22 juin 1955 sera le jour où, se libérant de sa passivité, il passe d'un statut de témoin à celui d'acteur de cette révolte. Ce basculement fait suite à la première altercation avec les forces de l'ordre, qui avaient pour mission de protéger les bureaux de la direction. Les premiers affrontements violents débutent vers 11h, les ouvriers ayant fait tomber le portail qui les séparait des CRS. C'est à ce moment-là qu'il se libère de cette contrainte moralisatrice qui l'empêchait juste alors d'affirmer cette identité ouvrière qui lui faisait tant peur et devient finalement acteur de cette révolte. Ce combat, proche du corps à corps, vecteur de sentiments d'émancipation, le libère ainsi de sa condition de serf, condition qui marquera les générations précédentes dont ses ancêtres furent les descendants. Là, je cite l'ouvrage. Une joie intense m'envahit, libre de mes mouvements, je me révèle soudain à moi-même. Les siècles de servitude de mes ancêtres remontent du plus tréfond de mon âme pour me pousser au défoulement libérateur. Cette première confrontation avec les CRS, aux allures de combat entre rugbymen, prend fin suite au repli des forces de l'ordre qui n'ont pas manqué de détruire en représailles le vélo des ouvriers. Au retour des vacances, le 1er août 1955, il reprend le chemin de l'usine où se tient un meeting rassemblant les représentants syndicaux et les ouvriers. Tous sont consternés par la lettre de la direction envoyée à tous les ouvriers des chantiers, leur notifiant que des augmentations salariales auraient été instituées si les syndicats les avaient acceptées. Ce courrier provoque la colère des ouvriers, qui, exaspérés par l'intransigeance de la direction, décident de brûler les lettres, dont le feu se propage jusque dans le local du gardien. S'ensuivent des scènes de guérilla, où plusieurs milliers de grévistes investissent les ateliers, se barricadant et menant un front organisé face à l'ennemi qu'ils bombardent avec détermination. Les ouvriers qui se lancent dans un combat acharné empoignent leurs outils comme des armes, leurs compétences professionnelles servant ainsi la rébellion. Certains groupes déjouent la vigilance des CRS et investissent la cabine du gardien et actionnent la sirène afin de sensibiliser l'opinion publique. 4000 policiers, armés jusqu'aux dents face à 12 000 ouvriers, qui, je cite, savent ce qu'ils veulent, s'affrontent ainsi dans un climat de violence extrême, où la sirène mugissante vient asseoir une vision dantesque de ce combat. Les métallos des chantiers navals sont ainsi rejoints par des ouvriers des usines avoisinantes, notamment ceux de l'aviation du bâtiment. C'est un véritable champ de bataille que décrit Louis-Houry ce jour-là, teinté par le bruit des casques, des coups de matraque et les explosions de grenades. Les forces de l'ordre, pourtant nombreuses ce jour-là, échouent et ne peuvent contenir l'assaut ardent de ces quelques 12 000 ouvriers qui connaissent parfaitement ce lieu de combat et bénéficient de surcroît d'une solide endurance. Ces dompteurs de matière sortent ainsi victorieux de cette bataille, concrétisant une augmentation de salaire de 22%. À l'automne, d'autres grèves sont déclarées, notamment à Nantes, qui mèneront, comme Louis-Houry le rappelle, à la mort d'un ouvrier de 25 ans, Jean Rigollet. Ces épisodes de combat sont un véritable virage dans sa vie, ce qui lui permet de se délivrer de sa passivité et d'affirmer sa conscience de classe, la condition ouvrière étant synonyme de sacrifice, le travail, son bourreau. L'argent et l'appât du gain nourrit le rêve ouvrier d'accès à la propriété. À l'atelier, les ouvriers travaillent ainsi plus de 70 heures par semaine, car la course au bien-être n'a pas de prix, hormis celui de pouvoir avoir sa propre maison. C'est ainsi que la propriété devient mangeuse d'hommes, comme il le dit, pour ces milliers d'ouvriers qui, par ce sacrifice, pensent donner un sens à leur existence. Ainsi, afin d'améliorer les conditions de vie familiale, ils décident de partir en déplacement sur d'autres chantiers, travaillant 7 jours sur 7, dans le froid glacé de l'hiver, comme ce Noël de 1957, où ils passent sa soirée sur une plateforme en béton, à 30 mètres au-dessus du sol. Ce marathon de 10 ou 12 heures par jour dans des conditions de travail infernales l'épuise moralement et physiquement. Lui, ce déporté de travail qui, loin des siens, espère vivre mieux au nom du pognon. Après la lutte pour la course au boni, lui livre un combat pour la course à la promotion sociale, l'obligeant à vivre à un rythme démentiel. Il s'inscrit au cours du soir dispensé par le Centre National de Téléenseignement afin d'y préparer le CAP de dessinateur industriel. Ce combat, pour sortir de ce merdier, comme il le dit, sera matérialisé par 3 longues années de journées interminables, où la concentration sur des exercices de mathématiques est difficile à trouver après de longues heures de travaux en atelier. Avec moins de 6 heures de sommeil par nuit, travaillant parfois en déplacement pendant les trajets en train, il est reçu à l'examen et formule une demande au chantier pour être recruté en tant que dessinateur industriel. Cette demande est rejetée, la direction prétextant qu'il n'y a pas de recrutement prévu pour le moment. L'ouvrage se termine par une note pessimiste, mais révélatrice du merdier de la promotion sociale et de l'impossibilité des ouvriers de sortir de leurs conditions d'exécutants. Donc là, je cite la fin du livre. « Ainsi, donc, il y aura deux poids et deux mesures, ceux qui possèdent grâce au travail des autres et ceux qui travaillent et ne possèdent rien. C'est à moi, prolétaire, de comprendre que le droit interdit de voler les possédants, mais consacre l'exploitation de ceux qui ne possèdent rien. C'est à moi de comprendre que l'activité professionnelle d'un ouvrier débouche généralement sur l'hôpital ou le cimetière. C'est à moi de me faire une raison, d'oublier mon propre sort, de tolérer que les nantis étalent devant mes yeux leur richesse et leur vanité de jouisseur. C'est à moi, connard d'ouvrier, de saisir les nuances du comportement de ces gens de bonne éducation pour ne pas les choquer avec ma philosophie de bas étage. C'est à moi, prolétaire, de savoir écouter les lamentations de ce beau monde en butte à toutes les servitures de son patrimoine foncier. C'est à moi, prolétaire, d'oublier que la courtoisie est une arme redoutable qui neutralise et permet la domination des possédants. C'est à moi, prolétaire, de trouver l'expression juste et de montrer un visage adapté aux circonstances pour ne pas être appelé calotin malhonnête ou voyou communiste, puisque le producteur est un être inférieur de toute façon. Alors, prolétaire éternel, je m'en irai d'une usine à l'autre, entraînant ma boîte à outils comme un bagnard traîne son boulet. À moins qu'un jour, parce qu'on ne tuera jamais l'espoir dans le cœur des hommes. Donc ce livre que je vous ai présenté, c'est le récit de plusieurs combats. Le récit d'un combat contre l'injustice sociale, un quart du récit retraçant la grande grève de 1955. L'ouvrage rappelle ainsi que les luttes sociales, même violentes, sont une forme de conflictualité efficace pour améliorer la condition ouvrière. C'est aussi le récit d'un combat pour sortir de sa condition. L'auteur prouve ainsi par sa détermination et par son parcours professionnel que l'avenir de la classe ouvrière, c'est d'en sortir, de quitter ses bleus et sortir du merdier, bien qu'elles doivent se faire au prix de grands sacrifices. Car cet ouvrage dénonce ainsi un problème très actuel, qui est celui de la reproduction sociale. Encore aujourd'hui, en 2016, les chances d'accès aux positions sociales sont loin d'être équivalentes, la moitié des fils de cadres supérieurs devenant cadres supérieurs à leur tour, contre seulement un dixième des fils d'ouvriers. Mais cet ouvrage rappelle ainsi que cette mobilité ascendante, elle est effective seulement quand l'ouvrier a conscience de sa condition sociale. Or, le travail ouvrier aliénant dépossède le travailleur de lui-même, puisque soumis à l'organisation rationnelle, il doit se rendre toujours plus productif. C'est aussi le récit d'un combat pour l'accès à la culture. De longues pages témoignent ainsi de la difficulté d'appropriation littéraire des ouvrages classiques qui requièrent des qualités de compréhension nécessaires dont ne disposent visiblement pas les prolétaires pour les déchiffrer. Cette autobiographie est donc celle d'un rescapé qui a su trouver la force nécessaire de quitter ses bleus, puisque commençant sa carrière comme ouvrier chaudronnier, il deviendra ingénieur d'ordonnancement. Enfin, je dirais que ce livre, retraçant de multiples combats, est nécessaire. Ce livre est nécessaire car il a permis de donner une voix à une population normalement silencieuse, des prolos. Rappelons que la question de la faible représentation des ouvriers sur l'espace médiatique est souvent mise en débat, notamment parce qu'ils ne semblent plus former, comme le disent les médias, une catégorie homogène. Pourtant, les éléments qui caractérisent la condition ouvrière sont toujours d'actualité. Précarité de l'emploi, pénibilité du travail, faiblesse du capital économique, culturel, espérance de vie réduite, problèmes de santé. On dénombre ainsi aujourd'hui 6 millions de travailleurs invisibles, ces prolos des temps modernes dont on ne parle peu. Ce livre est nécessaire car il permet de rappeler que les luttes sociales s'acquièrent au prix de lourds combats, à l'heure où justement aujourd'hui, la classe ouvrière ne semble plus exister en tant que groupe cohérent et mobilisé. Et enfin nécessaire car il apporte aux nouvelles générations une note d'espoir, puisqu'il matérialise la réussite des prolétaires d'antan, qui à force de courage et de persévérance, ont obtenu une amélioration de leurs conditions de travail. Plus qu'une autobiographie, cet ouvrage nous montre ce qu'a pu être la condition ouvrière au XXe siècle. C'est d'ailleurs au nom de cette majorité silencieuse que Louis-Houry dédie son livre. Surtout, cette troisième réédition de Les Prolos, chevanchant 20e et 21e siècle, est désormais officiellement qualifiée d'intemporelle, tant son contenu humaniste et progressiste, courant vital de notre civilisation, assure à cet ouvrage une pérennité de plusieurs siècles. Oui, vous êtes toujours dans l'émission du magazine Libertaire sur Jet FM. Donc, c'est l'heure des annonces. On avait une annonce qui se passait du côté de la fac. Ouais, c'est aujourd'hui et c'est à 16h. Il y a une AG étudiante à la fac de Nantes. C'est campus Tertre. Et juste pour resituer, la fac, elle a été occupée avant-hier. Un amphi de la fac a été occupé avant-hier. Et les flics sont venus expulser hier. Donc ce matin, il y avait un blocage symbolique d'un bâtiment. Et les activités qui étaient prévues ont quand même eu lieu aujourd'hui. Et donc, si vous avez envie de rejoindre ce mouvement ou d'aller rencontrer les étudiants et étudiantes, vous pouvez passer dans la journée et aller à l'AG à 16h à la fac. La prochaine annonce, alors entre les mains, j'ai un papier qui concerne une soirée d'information avec le collectif Terre Commune et une manif de convergence, et une information aussi sur la manifestation de convergence qui aura lieu le 29 février à Nantes. Donc la soirée d'information, en fait, elle est ce soir à partir de 18h au local autogéré Fernand Peloutier, les Amis de Mey, au 25 boulevard de la Renaissance à Saint-Nazaire. Donc, comme j'ai dit, c'est une soirée info-débat avec à partir de 18h, un repas partagé. Et à 19h, une réunion débat sur le projet du bétonnage du Carnet. Et donc, discussion sur la préparation de la manif du 29 février à Nantes. Donc, on a déjà parlé du collectif Terre Commune qui est situé dans le Pays de Ré. Et vous pouvez avoir des informations sur terrecommune.ziki.fr. Donc, Ziki, ça s'écrit Z-I-C-I. Et dans le même ordre d'idées, il y a une soirée aussi à Nantes avec le même collectif. C'est pas le même collectif, c'est le collectif contre le surf park et son monde. Donc à Nantes, c'est le vendredi 14 février à partir de 19h à Pollen, 11 rue des Olivettes. Et c'est une soirée à partir de 19h, donc une table ronde avec le collectif Nantes contre le surf park. Et si, il y aura bien le collectif Terre Commune pour discuter de la lutte présente et future contre le surf park, mais également d'autres luttes. Et à partir de 21h30, il y aura un concert de Corona Jazz Band et il y aura une cantine qui proposera une soupe à prix libre. Et il y aura les boissons au bar et en parallèle se représente une table d'information donc sur la lutte contre le surf park et d'autres luttes locales. Et voilà, voilà. Complètement autre chose. Ce soir, c'est à l'espace Simone de Beauvoir. Il y a une soirée autour des compositrices qui ont marqué l'histoire de la musique. Avec des extraits de musique et des portraits d'Elisabeth Jacquet de la Guerre, de Louise Farinck, de Cécile Chaminade, d'Ethel Smith et d'autres. Du coup voilà, c'est à l'espace Simone de Beauvoir à 18h30 ce soir. Et c'est des extraits de musique, des portraits et une conférence. Et ce soir, toujours à Dalby, il y a la restitution des enquêtes, discussions, actions. Il y a eu des enquêtes depuis novembre 2019 qui ont été distribuées dans les boîtes aux lettres, à la sortie des écoles et dans la rue, dans les commerces, etc. Ce sont des enquêtes militantes qui étaient intitulées « Vivre à Dalby ». Et du coup, depuis 3 mois, il y a la récolte de la parole des habitants et habitantes de Dalby pour réussir à dresser un constat de la situation du quartier et à repérer là où c'est possible d'intervenir ensemble. Et du coup, ce soir, c'est à la fois la restitution des enquêtes et aussi un moment de réflexion et d'action pour voir ce qu'il y a à faire autour des constats de ces enquêtes. Donc c'est à 20h, à La Dérive, 1 rue du Guéroubert à Nantes, ce soir. Alors à Saint-Nazaire, demain, jeudi 13 février, à partir de 18h30, au local autogéré Fernand Peloutier, 25 rue de la Renaissance à Saint-Nazaire, il y aura une soirée en mixité choisie, lecture d'extraits de textes et visionnage vidéo. Donc c'est une réunion mixité choisie, sans hommes, cisgenres, hétérosexuels, pour parler, discuter, développer notre solidarité, apprendre à nous défendre et nous organiser. Donc vous pouvez retrouver donc plus d'informations sur le site du local qui est ladm.noblogs.org. Et la dernière annonce, donc, c'est un rendez-vous au sujet d'une caisse d'entraide mutuelle de Thunes pour se répartir les richesses entre nous. Donc il y a un rendez-vous jeudi 13 février à partir de 19h à la MOB au 17 rue du Général Buat. c'est comme tous les mois, il y a une réunion et vous pouvez retrouver plus d'informations sur nantes.intimedia.org. C'est la fin de notre émission. On vous souhaite une bonne semaine. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Ciao.